et je n'avais pas oublié le serrement de cœur qui m'avait étouffé quand, pour la dernière fois, j'avais aperçu la coiffe blanche de Mère Barberin. Le petit Mattia continua son récit. « J'étais tout seul avec Garofoli, » continua Mattia, « en quittant la maison, mais au bout de 8 jours, nous étions une douzaine, et l'on se mit en route pour la France. Ah, elle a été bien longue, la route, pour moi, et pour les camarades, qui eux aussi étaient tristes. Enfin, on arriva à Paris. Nous n'étions plus que 11, parce qu'il y en avait un qui était resté à l'hôpital de Dijon. À Paris, on fit un choix parmi nous. Ceux qui étaient forts furent placés chez des fumistes ou des maîtres ramoneurs. Ceux qui n'étaient pas assez solides pour un métier allèrent chanter ou jouer de la vielle dans les rues. Bien entendu, je n'étais pas assez fort pour travailler, et il paraît que j'étais trop laid pour faire de bonnes journées en jouant de la vielle. Alors Garofoli me donna 2 petites souris blanches que je devais montrer sous les portes dans les passages, et il taxa ma journée à 30 sous. « Autant de sous qui te manqueront le soir, me dit-il, autant de coups de bâton pour toi. 30 sous, c'est dur à ramasser, mais les coups de bâton, c'est dur aussi à recevoir, surtout quand c'est Garofoli qui les administre. Je faisais donc tout ce que je pouvais pour ramasser ma somme, mais malgré ma peine, je n'y parvenais pas souvent. Presque toujours, mes camarades avaient leurs sous en rentrant. Moi, je ne les avais presque jamais. Cela redoublait la colère de Garofoli. « Comment donc s'y prend cet imbécile de Mattia ? » disait-il. « Il y avait un autre enfant qui, comme moi, montrait des souris blanches et qui avait été taxé à 40 sous que tous les soirs il rapportait. Plusieurs fois, je sortis avec lui pour voir comment il s'y prenait et par où il était plus adroit que moi. Alors je compris pourquoi il obtenait si facilement les 40 sous et moi si difficilement mes 30. Quand un monsieur et une dame nous donnaient, la dame disait toujours « À celui qui est gentil, pas à celui qui est laid. Celui qui est laid, c'était moi. Je ne sortis plus avec mon camarade, parce que si c'est triste de recevoir des coups de bâton à la maison, c'est encore plus triste de recevoir des mauvaises paroles dans la rue, devant tout le monde. Vous ne savez pas cela, vous, parce qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez laid. Mais moi... » Enfin, Garofoli, voyant que les coups n'y faisaient rien, employa un autre moyen. « Pour chaque sou qui te manquera, je te retiendrai une pomme de terre à ton souper. » me dit-il. Puisque ta peau est dure au cou, ton estomac sera peut-être tendre à la fin. Est-ce que les menaces vous ont jamais fait faire quelque chose, vous ? Dame, c'est selon. Moi, jamais. D'ailleurs, je ne pouvais faire plus que ce que j'avais fait jusque-là, et je ne pouvais pas dire à ceux à qui je tendais la main : si vous ne me donnez pas un sou, je n'aurai pas de pommes de terre ce soir. Les gens qui donnent aux enfants ne se décident pas par ces raisons-là. Et par quelle raison se décide-t-il ? On donne pour faire plaisir. Ah bien, vous êtes jeune, vous. On donne pour se faire plaisir à soi-même et non aux autres. On donne à un enfant parce qu'il est gentil, et ça c'est la meilleure des raisons. On lui donne pour l'enfant qu'on a perdu, ou bien pour l'enfant qu'on désire. On lui donne parce qu'on a bien chaud, tandis que lui tremble de froid sous une porte cochère. Oh, je connais toutes ces manières-là. J'ai eu le temps de les étudier. Tenez, il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ? Très froid. Eh bien, allez vous mettre sous une porte et tendez la main à un monsieur que vous verrez venir rapidement, tassé dans un petit paletot. Vous me direz ce qu'il vous donnera. Tendez-la, au contraire, à un monsieur qui marchera doucement, enveloppé dans un gros pardessus ou dans des fourrures, et vous aurez peut-être une pièce blanche. Après 1 mois ou 6 semaines de ce régime-là, je n'avais pas engraissé. J'étais devenu pâle. Si pâle que souvent j'entendais dire autour de moi « Voilà un enfant qui va mourir de faim. » Alors la souffrance fit ce que la beauté n'avait pas voulu faire. Elle me rendit intéressant et me donna des yeux. Les gens du quartier me prirent en pitié, et si je ne ramassais pas beaucoup plus de sous, je ramassais tantôt un morceau de pain, tantôt une soupe. Ce fut mon bon temps. Je n'avais plus de coups de bâton, et si j'étais privé de pommes de terre au souper, cela m'importait peu quand j'avais eu quelque chose pour mon dîner. Mais un jour, Garofoli me vit chez une fruitière, mangeant une assiettée de soupe, et il comprit pourquoi je supportais sans me plaindre la privation des pommes de terre. Alors il décida que je ne sortirais plus et que je resterais à la chambrée pour préparer la soupe et faire le ménage. Mais comme en préparant la soupe je pouvais en manger, il inventa cette marmite. Tous les matins, avant de sortir, il met dans la marmite la viande et les légumes. Il ferme le couvercle au cadenas et je n'ai plus qu'à faire bouillir le pot. Je sens l'odeur du bouillon et c'est tout.

mais en voyant comment ils traitent les enfants, je n'ai pas été maître de moi. Tu n'avais pas envie de rester avec lui, n'est-ce pas ? Oh, vous êtes bon ! Peut-être le cœur du jeune homme n'est-il pas tout à fait mort dans le vieux vagabond. Par malheur, le vagabond avait bien calculé, et le jeune homme a tout dérangé. Maintenant, où aller ? Il était tard déjà, et le froid qui s'était amolli durant la journée était devenu âpre et glacial. Le vent soufflait du nord. La nuit serait dure. Vitalis resta longtemps assis sur la borne, tandis que nous nous tenions immobiles devant lui, Capi et moi, en attendant qu'il eût pris une décision. Enfin, il se leva. Où allons-nous ? À Gentilly, tâcher de trouver une carrière où j'ai couché autrefois. Es-tu fatigué ? Je me suis reposé chez Garofoli. Le malheur est que je ne me suis pas reposé, moi, et que je n'en peux plus. Enfin, il faut aller. En avant, mes enfants. C'était son mot de bonne humeur pour les chiens et pour moi, mais ce soir-là, il le dit tristement. Nous voilà donc en route dans les rues de Paris. La nuit est noire, et le gaz, dont le vent fait vaciller la flamme dans les lanternes, éclaire mal la chaussée. Nous glissons à chaque pas sur un ruisseau gelé ou sur une nappe de glace qui a envahi les trottoirs. Vitalis me tient par la main et Capi est sur nos talons. De temps en temps seulement, il reste en arrière pour chercher dans un tas d'ordures s'il ne trouvera pas un os ou une croûte, car la faim lui tenaille aussi l'estomac. Mais les ordures sont prises en un bloc de glace et sa recherche est vaine. L'oreille basse, il nous rejoint. Après les grandes rues, des ruelles. Après ces ruelles, d'autres grandes rues. Nous marchons toujours, et les rares passants que nous rencontrons semblent nous regarder avec étonnement. Est-ce notre costume ? Est-ce notre démarche fatiguée qui frappe l'attention ? Les sergents de ville que nous croisons tournent autour de nous et s'arrêtent pour nous suivre de l'œil. Cependant, sans prononcer une seule parole, Vitalis s'avance courbé en deux. Malgré le froid, sa main brûle la mienne. Il me semble qu'il tremble. Parfois, quand il s'arrête pour s'appuyer une minute sur mon épaule, je sens tout son corps agité d'une secousse convulsive. D'ordinaire, je n'osais pas trop l'interroger, mais cette fois, je manquais à ma règle. J'avais d'ailleurs comme un besoin de lui dire que je l'aimais, ou tout au moins que je voulais faire quelque chose pour lui. Vous êtes malade, dis-je dans un moment d'arrêt. Je le crains, en tout cas je suis fatigué. Ces jours de marche ont été trop longs pour mon âge, et le froid de cette nuit est trop rude pour mon vieux sang. Il m'aurait fallu un bon lit, un souper dans une chambre close et devant un bon feu. Mais tout ça c'est un rêve. En avant les enfants. En avant. Nous étions sortis de la ville, ou tout au moins des maisons. Et nous marchions tantôt entre une double rangée de murs, tantôt en pleine campagne. Nous marchions toujours. Plus de passants, plus de sergents de ville, plus de lanternes ou de becs de gaz. Seulement de temps en temps une fenêtre éclairée çà et là, et au-dessus de nos têtes, le ciel d'un bleu sombre avec de rares étoiles. Le vent qui soufflait, plus âpre et plus rude, nous collait nos vêtements sur le corps. Il nous frappait heureusement dans le dos. Mais comme l'emmanchure de ma veste était décousue, il entrait par ce trou et me glissait le long du bras, ce qui était loin de me réchauffer. Bien qu'il fît sombre et que des chemins se croisassent à chaque pas, Vitalis marchait comme un homme qui sait où il va et qui est parfaitement sûr de sa route. Aussi je le suivais sans crainte de nous perdre, n'ayant d'autre inquiétude que celle de savoir si nous n'allions pas arriver enfin à cette carrière. Mais tout à coup, il s'arrêta. « Vois-tu un bouquet d'arbres ? » me dit-il. « Je ne vois rien. Tu ne vois pas une masse noire ?» Je regardai de tous les côtés avant de répondre. Nous devions être au milieu d'une plaine, car mes yeux se perdirent dans des profondeurs sombres sans que rien les arrêtât. Ni arbres, ni maisons. Le vide autour de nous. Pas d'autre bruit que celui du vent sifflant ras de terre dans les broussailles invisibles. « Ah, si j'avais tes yeux !» dit Vitalis. mais je vois trouble. Regarde là-bas. » Il étendit la main droit devant lui, puis comme je ne répondais pas, car je n'osais pas dire que je ne voyais rien, il se remit en marche. Quelques minutes se passèrent en silence. Puis il s'arrêta de nouveau et me demanda encore si je ne voyais pas de bouquet d'arbres. Je n'avais plus la même sécurité que quelques instants auparavant, et un vague effroi fit trembler ma voix quand je répondis que je ne voyais rien. « C'est ta peur qui te fait danser les yeux, » dit Vitalis. « Je vous assure que je ne vois pas d'arbres. »« Pas de grandes roues ? » ?»« On ne voit rien. » »« Nous sommes-nous trompés ?» Je n'avais pas à répondre. Je ne savais ni où nous étions, ni où nous allions. Marchons encore 5 minutes, et si nous ne voyons pas les arbres, nous reviendrons en arrière. Je me serais trompé de chemin. Maintenant que je comprenais que nous pouvions être égarés, je ne me sentais plus de force. Vitalis me tira par le bras. « Eh bien, je ne peux plus marcher. Et moi, crois-tu que je peux te porter ? Si je me tiens encore debout, c'est soutenu par la pensée que si nous nous asseyons, nous ne nous relèverons pas et mourrons là de froid. Allons. » Je le suivis. Le chemin a-t-il des ornières profondes ? Il n'en a pas du tout. Il faut retourner sur nos pas. Le vent qui nous soufflait dans le dos nous frappa à la face et si rudement qu'il me suffoqua. J'eus la sensation d'une brûlure. Nous n'avancions pas bien rapidement en venant, mais en retournant nous marchâmes plus lentement encore. « Quand tu verras des ornières, préviens-moi, » dit Vitalis. « Le bon chemin doit être à gauche, avec une tête d'épine au carrefour. » Pendant un quart d'heure, nous avançâmes ainsi, luttant contre le vent. Dans le silence morne de la nuit, le bruit de nos pas résonnait sur la terre durcie. Bien que pouvant à peine mettre une jambe devant l'autre, c'était moi maintenant qui traînais Vitalis. Avec quelle anxiété je sondais le côté gauche de la route. Une petite étoile rouge brilla tout à coup dans l'ombre. « Une lumière, » dis-je en étendant la main. « Où cela ?» Vitalis regarda, mais bien que la lumière scintillât à une distance qui ne devait pas être très grande, il ne vit rien. Par là je compris que sa vue était affaiblie, car d'ordinaire elle était longue et perçante la nuit. « Que nous importe cette lumière ? » dit-il. « C'est une lampe qui brûle sur la table d'un travailleur ou bien près du lit d'un mourant. Nous ne pouvons pas aller frapper à cette porte. Dans la campagne, pendant la nuit, nous pourrions demander l'hospitalité, mais aux environs de Paris, on ne donne pas l'hospitalité. Il n'y a pas de maison pour nous. Allons. » Pendant quelques minutes encore, nous marchâmes. Puis il me sembla apercevoir un chemin qui coupait le nôtre, et au coin de ce chemin, un corps noir qui devait être la tête d'épine. Je lâchai la main de Vitalis pour avancer plus vite. Ce chemin était creusé par de profondes ornières. « Voilà l'épine, et il y a des ornières. Donne-moi la main, nous sommes sauvés. La carrière est à 5 minutes d'ici. Regarde bien, tu dois voir le bouquet d'arbres. » Il me sembla voir une masse sombre, et je dis que je reconnaissais les arbres. L'espérance nous rendit l'énergie. Mes jambes furent moins lourdes, la terre fut moins dure à mes pieds. Cependant, les 5 minutes annoncées par Vitalis me parurent éternelles. « Il y a plus de 5 minutes que nous sommes dans le bon chemin, » dit-il en s'arrêtant. « C'est ce qu'il me semble. Où vont les ornières ? Elles continuent droit. L'entrée de la carrière doit être à gauche. Nous aurons passé devant sans la voir. Dans cette nuit épaisse, rien n'est plus facile. Pourtant, nous aurions dû comprendre, aux ornières, que nous allions trop loin. Je vous assure que les ornières n'ont pas tourné à gauche. Enfin, rebroussons toujours sur nos pas. Une fois encore, nous revînmes en arrière. Vois-tu le bouquet d'arbres ? Oui, là, à gauche. Et les ornières ? Il n'y en a pas. Est-ce que je suis aveugle ? Dit Vitalis en passant la main sur ses yeux. « Marchons droit sur les arbres et donne-moi la main. »« Il y a une muraille. »« C'est un amas de pierres. »« Non, je vous assure que c'est une muraille. »